celui dont on va en fin de compte parler, je vous ai mis au tableau la plus ancienne représentation du diable. Elle date du Moyen Âge. Votre avis, le grand symbole sataniste, c'est un chiffre. Le 666, dis donc. En effet, si vous croyez à la possession, que le diable puisse insinuer dans l'âme des hommes et en contrôler les actions, alors c'est bien lui qui s'est échappé ici. Le système du Dajjal, c'est un jeu intellectuel. Il agit sur la foule pendant que la planète se dégèle. Sur Python reste agile, mais on garde un esprit large pour faire en sorte de ne pas finir dans un putain d'asile. Bande de barges, de barges, de barges. Quand le diable se met à table, il a l'allure d'un notable et vient pour dévorer ton âme. Et tant d'un coup d'action négligeable, car si son arme était le vent, l'humanité serait indirigeable. Le pouvoir de Satan malheureusement s'étend, et c'est dans le suivant que notre lumière s'éteint. Et ça en moins de 7 ans, il te fait perdre la raison, t'oriente vers d'autres horizons. Agis sur tes pulsions et te révèle de fausses passions. De façon, appelle-le comme tu veux, moi je te parle de ce que je vois. Ma paix est mon seul vœu. Et j'exprime à haute voix, je constate qu'autour de nous, les gens deviennent impulsifs, de plus en plus arrogants, de plus en plus agressifs, colériques et passifs. Ils s'éloignent des récifs et mettent en doute mes récits corrosifs. Matérialistes à outrance, des objets comme sans croyance, les esprits mènent la danse et te mènent dans leur transe. Invisible et impalpable, mais responsable de tes joies lamentables, de ton humeur exécrable. Et tu te plains quand ta vie est soi-disant minable. La haine fait le bonheur des certains, l'amour l'enfer des autres. Le cupide et le machin dans lesquels l'humain se vaut. Prouve qu'ici Dieu pour quelqu'un peut être d'Ajad pour un autre. Le bien, le mal sont des concepts qui font nous leurs apôtres. Et si tant est que tu sois athée contre toute attente, tu seras tenté et maté par ces maçons déjantés. Au fond, tu n'es qu'un automate tenté à qui on a ôté toute son spiritualité. Cherche à choisir un côté qui trouve l'unité. Ton esprit menotté, appâté par des semblants de liberté. L'évolution de ta conscience n'est plus une priorité. On s'épuise et persiste, on s'impose cette secousse, cette sortie de secours. Quand les moments de bonheur sont si rares et si courts, on te plébiscite sur ce mort, c'est notre dernier recours. Notre son mort évite le coup, fais gaffe à ce qui t'entoure. Au mauvais coup du sort, au détour, au mensonge sur les deux tours. La vie est belle mais entourée de vautours, alors ne la cache pas car il n'y a pas de retour. Tu ne crois pas au chétan mais vénère l'argent comme le messie. Comme des gitans devant la bourse et ses prophéties. Comme ça sauveur le fric pour accéder à leur paradis. Fiscaux, ça siège et royaume de la plutocratie. Les défauts, les addictions, tout est bon pour détourner notre attention. Nous affaiblir, c'est nos esprits qui sont en détention. Car volontairement, ils créent des tensions, des tentations pour affaiblir notre champ d'action. Attention, ma diction les révèle et offre une autre direction. Canalise pour éviter la dispersion. Car le but du malin, créer un monde de plus en plus malsain. Je vais pas te faire un dessin, les hommes sont de plus en plus indécents. Et à chaque instant, on fait appel à nos plus bas instincts. Ils s'éparent même sur ton décès et ton avenir en tant que si. Car même quand t'es un sac d'os, ils arrivent à faire du profit. Nos histoires de chétal, de chétal, de chétal, de désarme, du putain dans ton crâne, à ton crâne, t'es ton Manhattan, mais t'emballes pas, j'ai balle au rythme d'un chaman. Tes paroles en putain affûtées t'es comme une âme. Crois pas, je fasse ce showman, moi je veux toucher ton âme. Je t'aime et sans blâme, si t'aimes pas, toi, pas blâme. Ce flow de bête, t'es empâté, empâté, empâté, empâté, empâté. Il dérègle le jeu, le rend instable. Manipule la masse de façon détestable. Se font passer pour des citoyens respectables. Le mal c'est le bon, il s'invite à ta table. Toujours en première ligne sur les chiffres mondiales. L'influence ta partie de manière magistrale. Le Dajjal est venu pour mieux toucher sa toile. Le mal est malin, il nous pousse dans le même moule. Il immole le français, il produit comme la foule. On se sent connecté, donc on partage nos fioles. On continue nos fouilles car leur rêve en défaille.